jamais. Ton regard m'avait charmé, mais de patience il fallait s'armer. Car tu m'as fait ramer, mais depuis que tu m'as vu à la télé, j'ai de nouveau les nouvelles de toi. Tu me dis que tu ne m'as jamais rappelé, mais que tu ne sais même plus pourquoi. Laisse-moi te dire. Tu veux me faire croire que je pourrais te plaire, que tu as changé en un éclair. Mais tu avais pourtant été clair quand j'avais cru comprendre que j'étais pas ton style. Oh non, y'a une relation t'étais hostile. Oh non, oui j'avais cru comprendre que j'étais pas ton style. Oh non, y'a une relation t'étais hostile. À l'appel, les approches et les découpes au scalpel. L'homme me disant que pour moi tu étais bien trop belle. Mais maintenant que tu me vois partout, tu me dis que tu me trouves à ton goût. Dans le but que je puisse donner ton joli cou de belles perles de bijoux. Tu veux me faire croire que je pourrais te plaire, que tu as changé en un éclair. Mais tu avais pourtant été clair quand j'avais cru comprendre que j'étais pas ton style. Oh non, y'a une relation t'étais hostile. Oh non, oui j'avais cru comprendre que j'étais pas ton style. Oh non, y'a une relation t'étais hostile. Oh non. Maintenant que je t'ai connu, tu donnes à croire que je te plais. Mais aucun défensement connu ne pourra poser mes plaies. Je n'étais pas le bienvenu dans ta vie, donc s'il te plaît. Oui s'il te plaît, arrête. Oui arrête. Maintenant que je t'ai connu, tu donnes à croire que je te plais. Mais aucun défensement connu ne pourra poser mes plaies. Je n'étais pas le bienvenu dans ta vie, donc s'il te plaît. Oui s'il te plaît, arrête. Oui arrête. Tu veux me faire croire que je pourrais te plaire. Tu as changé en un éclair. Mais tu avais pourtant été clair quand j'avais cru comprendre que je n'étais pas ton style. Car une relation t'était hostile. J'avais cru comprendre que je n'étais pas ton style. Car une relation t'était hostile.